explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ? Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. À chaque fois qu'un tsunami important survient dans le monde, nous restons sidérés devant les images de ces murs d'eau qui avancent sur les côtes sans que rien ne puisse les arrêter. Le plus souvent, ces raz-de-marée dévastateurs sont engendrés par un séisme sous-marin. C'était le cas du terrible tsunami qui a déferlé sur les rivages de l'océan Indien en décembre 2004 ou de celui qui a ravagé les côtes indonésiennes en septembre dernier. Mais les causes des tsunamis peuvent être autres et survenir dans des endroits plus inattendus. Par exemple, il y a 1500 ans, sur le lac Léman, un glissement de terrain a provoqué une vague de 13 mètres de haut qui a atteint Lausanne en 15 minutes. Et si l'on remonte bien plus loin encore dans l'histoire de la planète, il est arrivé que des catastrophes soient d'origine extraterrestre. Une récente étude estime par exemple que l'astéroïde qui a mis fin au règne des dinosaures il y a 65 millions d'années a engendré plusieurs vagues gigantesques. La première aurait avoisiné 1,5 km de haut et se serait propagée dans tous les océans du monde. Aujourd'hui, nous partons étudier les tsunamis qui ont marqué l'histoire récente et ancienne de la planète. Mes amis, je ne sais où nous allons. Sur France Inter. Parfait, alors que ça vous dit de faire un tour, allez-y. Le temps d'un bivouac. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Autour de la table, Franck Lavigne et Jean-Philippe Goiran. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Franck Lavigne, vous êtes professeur à l'Université Paris 1, où vous dirigez le laboratoire de géographie physique. Vous avez étudié plusieurs tsunamis, et notamment celui survenu dans l'océan Indien en 2004. Et Jean-Philippe Goiran, vous êtes géoarchéologue au laboratoire Archéorient de l'Université Lyon 2. Vous avez travaillé sur le tsunami qui a frappé l'Indonésie en septembre dernier. C'est un hasard, mais vous étiez dans la région au moment où la catastrophe s'est produite. Vous allez nous dire ce que vos enquêtes de terrain vous ont appris sur ces raz-de-marée meurtriers. Les questions des auditeurs arrivent déjà sur franceinter.fr et la page Facebook du Temps d'un bivouac. À 17h, Charles-Hervé Gruyer nous racontera comment ses rencontres avec des peuples autochtones lui ont donné envie de créer la ferme biologique du Bec-et-Loing où l'on pratique la permaculture. Voilà pour la feuille de route du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier. Elle a été préparée par Mathieu Aoued et Sophie Vaux. Le 26 décembre, j'étais parti en mer très tôt le matin avec mon frère aîné. L'océan était calme, il n'y avait pas une vague, pas de vent. Tout était normal, une mer d'huile. Tout à coup, vers 9h du matin, j'ai entendu quelque chose d'inhabituel et le bateau s'est mis à trembler. C'était comme un orage au loin. C'est alors que j'ai vu des poissons morts remonter tout autour du bateau. Et puis tout à coup, j'ai cru que je rêvais. Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. La vague est arrivée comme une montagne. Franck Lavigne, le tsunami qui a balayé les côtes de l'océan Indien le 26 décembre 2004, il est présenté comme le plus puissant et le plus meurtrier que l'homme n'ait jamais enregistré. C'est vraiment le cas ? Oui, c'est vraiment le cas. Le plus puissant, un des plus puissants, on va dire, celui d'avant, et le très gros d'avant, il datait de 1960. C'était dans le Pacifique, mais c'était à peu près du même calibre. Alors on a le bilan très meurtrier, 230 000 morts. Alors nous avons plus en tête les images de ce qui s'est passé en Thaïlande, mais en réalité les côtes les plus touchées, c'est en Indonésie. Sauf que il y avait moins de touristes là-bas, au nord de Sumatra, et donc on en a moins entendu parler. Oui, en effet, il n'y avait même pas de touristes du tout, parce que la région était fermée. C'était une région qui était en guerre civile depuis des décennies. Et donc, elle était fermée aux ONG, fermée aux journalistes, fermée à tout le monde, en fait. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de portables à l'époque. Ça commençait tout juste. On a trouvé quelques vidéos quand même, notamment parce que ça s'est produit un dimanche. Et il y avait deux mariages qui ont été filmées et celle qui est passée en boucle, où on voit le tsunami qui rentre dans la ville de Banda Aceh, c'était à l'occasion justement d'un mariage. Donc ça donne quelques idées. C'est là où les vagues ont été les plus hautes. Alors on verra, parce que vous êtes allé sur le terrain, on verra comment votre enquête a permis de reconstituer un peu le scénario du fait que justement il n'y avait pas d'image. C'était utile d'aller sur place pour savoir ce qui s'est passé. Il y a quand même eu dans cette région quand même 168 000 morts uniquement dans ce nord de l'archipel indonésien. Alors qu'est-ce qu'on sait du séisme sous-marin qui a déclenché ce tsunami gigantesque? C'est un séisme déjà très très puissant, un 9 en fonction des sources, et 9.15 jusqu'à 9.3, c'est-à-dire vraiment un des plus puissants qu'on ait connu à l'époque historique. Mm-hmm. Donc déjà, ça explique beaucoup de choses. Une deuxième originalité de ce séisme, c'est que ça s'est pas produit par un point, comme on l'en voit souvent représenté, un point et puis tout autour des cercles concentriques. Là, ça s'est propagé sur, de mémoire, 2000 kilomètres, je crois, le long d'une grande faille. Et donc, c'est parti un peu dans tous les sens, quoi. Ouais. Combien de temps s'est écoulé entre la secousse sismique, ce séisme sous-marin très important, on l'a compris, de magnitude très importante, et les premières vagues qui déferlent au nord de Sumatra? Alors, c'était un des objectifs de notre première mission, parce qu'on n'avait absolument aucune idée, aucune donnée. Ça a commencé à atteindre les côtes de Banda Aceh au bout de 20 minutes, 22 minutes exactement, d'après les chiffres qu'on a. Et ça a contourné toute une presqu'île et au bout de, on va dire, 30 minutes, c'est arrivé à l'autre côté. Donc en gros, entre 20 minutes et une demi-heure à peu près. Ça veut dire que cette vague avançait à quelle vitesse? Ça dépend où, en fait. Parce qu'un tsunami, à l'endroit de l'impact, enfin du séisme, ça part très très vite. Au maximum, dans les eaux très profondes, ça peut atteindre 1000 km heure. Hein, ça va excessivement vite. Et plus le fond marin se relève, plus le tsunami va freiner. En fait, la vitesse va diminuer. Ouais. Donc, la vague augmente. Ça, Et pour compenser, la vague va se cambrer, en fait. Et donc, la hauteur va augmenter. Alors, il n'y a pas qu'une seule vague, hein, pour être très clair. Il y a un train de vagues, plusieurs vagues gigantesques qui s'enchaînent les unes après les autres. Pourquoi ce phénomène de train de vagues? Alors souvent, il y a plusieurs causes. Hein. Il y a des causes, on va dire, élastiques, des causes purement physiques. Quand il y a un choc, on voit par exemple, quand on est dans la baignoire, on appuie avec la main. On va voir plusieurs trains de vagues partir, hein, pas qu'une seule, alors qu'on a appuyé qu'une seule fois dans l'eau. Souvent, ce qui se produit aussi, c'est qu'il y a des glissements de terrain sous-marins qui viennent s'ajouter à cela. Alors ça, d'après les traces des tsunamis, on peut arriver à détecter ce genre de phénomène. Là, pour Banda Aceh, on a compté une dizaine. La première, très souvent dans les tsunamis, la première n'est pas la plus forte. Donc s'il y a un petit tsunami qui arrive, il faut vite s'en aller parce que la deuxième est généralement la plus conséquente. Et pour Banda Aceh, c'était la troisième. Alors, Franck Lavigne, vous travaillez en Indonésie depuis de longues années, hein, près de 30 ans même. Et peu de temps avant que le tsunami qui s'est déroulé en 2004 n'advienne, vous aviez proposé aux autorités françaises présentes sur place un projet de recherche sur les tsunamis. À ce moment-là, voilà, ça avait été accueilli mollement, disons-le. Et jusqu'à ce qu'arrive ce tsunami, et là évidemment ça devient très important. On se rend compte que effectivement on n'a pas suffisamment étudié les possibilités de tsunami dans cette région-là, ce qui fait que très rapidement on va venir vous voir dans les jours qui suivent le tsunami pour vous proposer de venir sur le terrain et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Oui, en fait, par le plus grand des hasards, j'étais sur place quand ça s'est produit. Alors pas à Banda Aceh, sinon je serais plus là aujourd'hui, sans doute. J'étais à Java. Et justement, je venais de rencontrer quelques jours auparavant les quelques Indonésiens, spécialistes indonésiens des tsunamis. Parce qu'en Indonésie, on le voit bien maintenant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la récurrence des tsunamis, c'est, allez, on va dire 3-4 ans. Donc il y en a tout le temps. Alors des plus gros meurtriers, un peu moins souvent, mais de plus en plus quand même, parce qu'il y a de plus en plus de monde sur les côtes, vu la population là-bas. Donc il y avait vraiment un terrain de recherche très intéressant. et c'était quasiment pas étudié à l'époque par en tout cas les Occidentaux et très peu par les Indonésiens. Mmh. Qu'est-ce qui explique, Jean-Philippe Guaran, que cette région indonésienne que vous connaissez vous aussi très bien, vous vous êtes même intéressé à des tsunamis bien plus antérieurs, hein, vous êtes archéogéologue, qu'est-ce qui explique que cette zone soit aussi sujette aux tsunamis ? Eh bien, c'est la ceinture de feu du Pacifique. On a beaucoup de plaques océaniques qui se rencontrent, qui passent les unes sous les autres. Comme Franck l'a dit aussi, il y a des explosions de volcans, des blasts, des explosions latérales de volcans, et aussi des glissements sous-marins, parce que les pentes sous-marines sont assez fortes, et donc sont très vite déstabilisées par un séisme. Et une fois que la pente est déstabilisée, vous avez donc ce qu'on appelle en anglais un slumping, un glissement sous-marin qui va générer à la surface de l'eau une terrible vague. Alors Jean-Philippe Guaran, vous aussi, vous étiez, alors c'était plus récent, hein, c'était en septembre dernier 2018, vous étiez sur l'archipel indonésien pour des études sur des tsunamis très anciens, quand non loin de là s'est produit le tsunami qui a fait des dégâts considérables à Palu et dont nous avons pris la mesure de l'ampleur au fil des jours qui ont suivi dans les journaux. Très lourd bilan est redouté après le séisme et le tsunami qui ont frappé les îles Célèbes en Indonésie. Il pourrait y avoir plusieurs milliers de morts. C'est le vice-président indonésien qui redoute ce matin un tel bilan. Pour l'instant, le seul chiffre officiel est de 420 morts, 540 blessés. Mais le secours sont loin, très loin d'avoir atteint toutes les zones sinistrées, Joël Brenner. Nous pensons que des dizaines, voire des centaines de victimes n'ont pas encore été dégagées des décombres. Voilà pour les prévisions peu optimistes du porte-parole de l'Agence indonésienne de gestion des catastrophes. En effet, rien que pour la ville de Palu et ses 300 000 habitants, les dégâts considérables laissent présager le pire. L'effondrement du principal centre commercial de la ville ou d'un grand hôtel dont presque toutes les 80 chambres étaient occupées n'en sont qu'une illustration parmi d'autres. L'électricité est partiellement coupée dans la ville, l'aéroport a été fermé ainsi que certains axes routiers qui mènent à Palu. D'autre part, certaines zones sont encore aujourd'hui coupées du monde, comme Donggala, au nord de Palu. Des responsables locaux ont exprimé leur inquiétude de ne disposer jusqu'à présent d'aucune information sur cette zone, elle aussi sinistrée. Nous étions le 30 septembre 2018. Aujourd'hui, le bilan le plus récent fait état de 2256 morts, mais il y en a certainement beaucoup plus puisqu'on dénombre encore au moins 5000 disparus suite à cette catastrophe. Jean-Philippe Guaran, très vite après la catastrophe, après ce tsunami, une mission scientifique s'est montée puisque vous étiez à proximité. On vous propose d'aller sur place, mais on se dit, au vu de ce qui vient d'être décrit, c'est le cas au total sur place. Comment, dans les jours qui suivent, on peut venir sur le terrain pour faire de la recherche et un travail scientifique ? Alors, ça a été très difficile d'organiser cette mission et ce sont surtout nos collègues scientifiques indonésiens qui ont géré la logistique de façon spectaculaire. Notamment l'Institut d'études des tsunamis de Banda Aceh. Et ensuite, on a eu un soutien financier de la part de l'ambassade de France. Alors, lorsque cette mission a été organisée, il y a à peu près une vingtaine de scientifiques internationaux de toutes disciplines, les biologistes, des géologues, des géographes. Et chacun va étudier différents types de désastres à Palu. Parce que on a donc un séisme de 7.5 sur l'échelle de Richter, qui affecte donc les bâtiments. Vous avez immédiatement après deux autres catastrophes, des glissements de terrain, trois glissements de terrain qui affectent la ville de 300 000 habitants, et là des gens qui disparaissent sous des coulées de boue, et enfin ce terrible tsunami qui va affecter toutes les zones côtières. Ouais. Ça doit être particulier quand même de mener ces recherches dans cette atmosphère. On imagine des gens en deuil, on imagine des blessés, on imagine des cadavres encore qui n'ont pas tous été ramassés. Et c'est pas inutile de faire la recherche que vous faites, mais c'est un climat particulier. Oui, là, au niveau, je dirais, humain ou psychologique, c'était un peu difficile. Le soir, on en parlait, ça sentait la mort. Quand on était sur le terrain, il était évident que sous ces dépôts de tsunami et ces glissements de terrain, il y avait des cadavres d'animaux, mais aussi d'êtres humains. Donc ça, c'était des moments extrêmement durs et émouvants. Alors vous allez l'un et l'autre nous raconter ces missions scientifiques que vous avez réalisées sur ces zones dévastées et ce à quoi elles ont servi. Nous parlerons aussi d'autres tsunamis qui ont frappé les côtes européennes par le passé et même le lac Léman. Pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. C'était Natural Blues, Moby sur France Inter dans le temps d'un bivouac. Cette vidéo a fait le tour du monde. Un homme perché sur un toit hurle pour alerter les gens qui sont en bas de son immeuble pour qu'ils aillent se mettre à l'abri. Il hurle « tsunami ». Lui voit la vague arriver. En bas, les passants mettent un peu de temps à réaliser ce qui est en train de se passer parce qu'ils ne voient pas la vague. On a souvent l'impression que les tsunamis prennent la population par surprise. Laurent Lavigne, il n'existe pas partout de système d'alerte qui permettent de prévenir les gens avant l'arrivée de la vague ? Non, il y a pas mal d'endroits où ça n'existe pas. Alors même si, en Indonésie, dans un cas comme ça, on a, je sais plus combien, 13 000 kilomètres de côte ou je sais plus combien, même plus. Donc c'est tellement immense comme pays que c'est difficile. Et chaque secteur de la côte est menacé quasiment par un tsunami, à part peut-être sur les côtes plus au nord. Donc c'est compliqué. Alors ça marche de mieux en mieux. Dans ce qu'on vient d'entendre, par exemple, déjà, la bonne nouvelle, c'est que la personne crie « tsunami, tsunami ». En 2004, personne n'a crié ça, personne ne connaissait le mot. On ne savait pas ce que c'était. C'est-à-dire qu'en 2004, on a même vu la mer se retirer, puisque c'est une des caractéristiques avant le tsunami. La mer se retire. D'ailleurs, pourquoi elle se retire ? Pas toujours, d'ailleurs. Parce qu'il y a des ondes positives et négatives, on va dire. Donc, quand on est au creux, dans le creux de l'onde, si le creux de l'onde est au niveau de la côte, ça fait un retrait, en fait. D'accord. Mais ce n'est pas toujours le cas. Là, il faut faire attention. Ouais, parfois, c'est pas une généralité. Ça fait comme une grosse marée qui monte et la mer ne se retire pas forcément, même si très souvent c'est le cas quand même. Quoi. Et justement, donc en 2004, dans les cas où la mer s'est retirée, certaines personnes sont parties à la pêche au crabe, sont restées là en se demandant ce que c'est que ce phénomène étonnant. Sont allés chercher les poissons parce qu'ils voyaient ça plus comme une aubaine. C'est pas du tout ce qui se passait quoi à l'époque. Alors maintenant, ça commence à aller mieux, disons que les gens sont un peu plus éduqués, entre guillemets. Jean-Philippe Goiron, la prévention est primordiale dans ce domaine ? Oui, parce que dès qu'on est sur place, les gens reconstruisent leur maison à l'endroit même où elles ont été détruites. Et ils disent, de toute façon, la prochaine fois, Dieu nous protégera mieux. Et là, dans le cas de Palu, quand on prend les archives, on se rend compte que sur un siècle, ils auraient été à leur quatrième tsunami. Et on reconstruit exactement au même endroit. Donc après, c'est au pouvoir public à décider, à faire un zonage des risques, notamment sur la frange littorale, et de ne pas construire d'habitations, mais plutôt, par exemple, des parcs, une sorte de glacis protecteur pour les futures vagues. On peut identifier les côtes, les endroits les plus exposés, les endroits les plus risqués ? Oui. Alors, on se rend compte que là-bas en Indonésie, ce que nous n'avons pas, nous, en France, en métropole, c'est qu'on a les récifs de coraux. Les récifs frangeants. On se rend compte que l'endroit où les récifs étaient présents, la vague s'est cassée, elle a été beaucoup moins meurtrière à l'arrière. En revanche, dans les secteurs qui étaient pollués où les coraux étaient morts, à ce moment-là, la vague avait vraiment pu pénétrer largement à l'intérieur des terres. Aujourd'hui, il est impossible de prévoir un tsunami, Franck Lavigne, c'est-à-dire que on détecte éventuellement le séisme qui pourrait causer le tsunami, mais avant que le séisme ne survienne, on n'a pas de signe avant-coureur. Non, absolument aucun, puisque c'est le séisme ou le glissement de terrain ou le volcan qui crée le tsunami, donc on peut pas savoir. On peut vraiment pas savoir. Alors par contre, on peut faire plein de choses très intéressantes, ce que font très bien les Japonais, mais les autres aussi. Ce sont des modélisations de tsunami. Au Japon, par exemple, ils ont prévu tous les cas de séisme potentiel, donc la localisation et la magnitude. Et pour chaque séisme, pour chaque scénario, ils ont fait une modélisation de tsunami. Ça veut dire qu'au bout de quelques, on va dire quelques minutes, dès que le séisme est localisé et qu'on a calculé sa magnitude, il déclenche les modélisations et on sait exactement dans combien de temps ça va arriver à tel endroit et à peu près une estimation de la hauteur de la vague. Avec parfois quelques loupés, parce que pour Fukushima, ils pensaient que les vagues ne pouvaient pas dépasser les 5 mètres de haut. Finalement, la vague qui a déferlé sur Fukushima, c'était 15 mètres. Le loupé, c'était pas un loupé des spécialistes de tsunami. C'était un loupé c'est un bien grand mot, des sismologues où, en fait, à l'époque, on savait pas qu'un segment de faille qui était ça a craqué sur 150 km, quelque chose comme ça, pouvait faire un séisme aussi puissant. Et donc, comme on a sous-évalué la magnitude du séisme, on a tout sous-évalué le reste, c'est-à-dire les modélisations de tsunami et donc les barrières de protection de tsunami. Tout a été sous-estimé parce qu'on s'est planté dès le départ, en fait. J'en prends. Alors, on est loin de tout savoir sur ces tsunamis et leur déroulement. C'est pour ça que vos travaux, messieurs, sur le terrain sont très utiles, Franck Lavigne et Jean-Philippe Goiron. Alors, quand vous arrivez, vous, Franck Lavigne, 10 jours après le tsunami de 2004, au nord de Sumatra, que cherchez-vous à comprendre exactement? Alors nous, ce qu'on cherchait surtout à faire, on n'avait pas eu de si gros tsunamis depuis combien, 40 ans, plus de 40 ans. Donc on voulait surtout savoir comment ça s'était passé et les données, comme on travaillait déjà, on avait un projet avec les modélisateurs de tsunamis justement. L'idée c'était d'essayer de remobiliser, reconstituer le tsunami. Donc en le modélisant, et donc les données à rentrer dans les modèles, c'était la hauteur des vagues. Mmh. Donc on allait sur le terrain, on regardait, on recherchait les arbres qui étaient encore debout, les bâtiments, les collines, et on recherchait les traces de tsunami. Bon, un arbre, c'est assez facile, hein. Le tsunami arrache toutes les feuilles, les branches, il casse tout, jusqu'au toit, mmh. en fait. Et donc, avec un télémètre laser, on peut avoir la hauteur de l'impact. Puis vous avez aussi recueilli des témoignages, hein. Ouais. Ça aussi, c'est une façon pour vous de savoir comment les choses se sont déroulées. Exemple de témoignages que vous avez recueillis sur place. L'eau a tourbillonné pendant 5 minutes, puis elle s'est retirée. Beaucoup d'enfants ont été emportés vers le large. Mes enfants et ma femme ont disparu. J'ai perdu toute ma famille. 6 personnes. La plus puissante fut la troisième. Elle a emporté les murs de la mosquée. Ses coupoles ont été complètement submergées. La première venait du nord. Mais elles sont arrivées presque toutes en même temps. Du nord, de l'est et de l'ouest. Les deux vagues étaient de la même hauteur quand elles se sont rencontrées. Et l'eau a été projetée en l'air. Extrait du film Tsunarisk, appréhender une catastrophe, produit par le CNRS Images. On imagine, hein, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Jean-Philippe Goiran, Franck Lavigne, c'est pas banal comme enquête scientifique, parce que on est 10 jours après la catastrophe et vous recevez des témoignages encore très émouvants de ces personnes qui vous renseignent sur le tsunami. Oui, oui, mais rien que en écoutant ce que je viens d'écouter, vu que c'est moi qui les interrogeais, là, les gens, ça j'ai le cœur qui commence à palpiter. Parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est la seule fois de ma vie pour une enquête comme ça que j'ai pleuré sur le terrain. Ça m'est jamais arrivé de pleurer en mission, mais là, j'en pouvais plus. La dose émotionnelle est tellement puissante. Ce qui était très, très dur, c'est que, moi aussi, c'était dans le cadre d'une équipe internationale qui s'est montée avec des Japonais, des Américains, etc. Mais il y avait personne qui parlait indonésien, à part moi et les collègues indonésiens. Donc, on faisait les entretiens pour essayer de comprendre, d'avoir des informations, comme ce qui vient qu'on vient d'entendre. Ouais. Et à chaque fois, c'était pareil. On arrivait à avoir beaucoup d'informations scientifiques au début. Donc ça, c'était très intéressant. Et après, ça déviait toujours sur l'histoire personnelle, comme ce qu'on vient d'entendre. Et ça, c'était terrible, quoi. Alors, pour la partie scientifique, vous avez pu établir que la plus haute vague qui a frappé les côtes de Banda Aceh, elle mesurait quelle hauteur? La hauteur de vague à la côte, on était entre 30 et 35 mètres. 35 mètres de haut. Donc, pour c'est la un plus immeuble vague. De 10 étages, quoi, en gros. Ça donne une idée, hein. Il y avait quelques énormes mosquées qui sont toujours là d'ailleurs, et ça, tous les témoignages, et puis on voyait les traces en plus, l'eau arrivait jusqu'à en haut de la coupole, quoi. Mmh. C'était vraiment impressionnant, et le long d'une colline, c'est remonté jusqu'à 50 mètres. Donc c'était pas la hauteur de la vague, c'est ce qu'on appelle le run-up, c'est-à-dire la hauteur maximum, l'altitude maximum atteinte par la mer. Et ce n'est pas la première vague qui était la plus haute, ça aussi c'est ce qu'a pu montrer... Oui, là c'était la plus haute, la plus destructive, mais la première avait fait pas mal de dégâts, même si elle faisait 2-3 mètres de haut, parce qu'elle allait très vite. Ça faisait là pour le coup vraiment comme une très grosse marée, et ça a détruit surtout les bâtiments qui étaient moins solides, on va dire. La deuxième, c'était vraiment le bulldozer. Les gens nous disaient, c'était un mur d'eau. Ils nous disaient tout le temps, c'était comme un cobra, comme un serpent cobra. Ils nous montraient avec la main, comme ce qu'on voit, dans des représentations iconographiques. C'est pas un mythe, ça. Au départ, on pensait que c'était un mythe, quoi. Mmh. Et en fait, non, les descriptions, c'était vraiment ça. Ouais, quoi. Cette forme de cobra. Jean-Philippe Goiran, vous étiez allé en Indonésie, vous, pour étudier des tsunamis très anciens. Hein, et finalement, vous êtes retrouvé pris dans un tsunami qui venait de se dérouler. Qu'est-ce que vous cherchiez à savoir sur ces tsunamis plus anciens? On cherchait à faire des carottages. Faire un carottage dans la Terre, ça permet de remonter le temps. Et on date avec des systèmes de datation comme les datations radiocarbone. Et vous pouvez remonter comme ça jusqu'à 10 000 ans. Et vous comptez sur votre colonne de sédiments, vous comptez le nombre de tsunamis de dépôts de tsunamis qu'on appelle les tsunamites. Vous comptez ces dépôts de tsunamis et vous avez comme ça une sorte de période de retour du risque. Alors, sur 10 000 ans, combien de... Alors, en moyenne? Là, les carottages sont en cours d'étude, donc malheureusement, d'accord, je ne peux pas vous parler du résultat. Du résultat, oui. Mais en gros, notre démarche, c'est la démarche actualiste, c'est-à-dire que le passé est une clé pour comprendre l'avenir, et le présent est une clé pour comprendre le passé. Et alors, qu'est-ce que votre mission vous a appris sur le tsunami de septembre 2018? Puisque, on l'a compris, au départ, vous n'êtes pas parti pour ça, mais sur place, vous avez été embarqué dans cette aventure. Alors, à Palu, il y avait une sorte de mystère. En gros, on savait que il y a deux types de failles. Il y a une faille qui joue, c'est-à-dire qui bouge, et elle engendre un séisme de magnitude 7.5 sur l'échelle de Richter. Alors, il y a des failles qui bougent de façon verticale, et il y a des failles qui bougent de façon horizontale. Donc, lorsqu'elles bougent de façon verticale, il y a un déplacement de terre, il y a un bloc qui soulève, un bloc qui s'affaisse, et vous imaginez bien que si on est à proximité de la mer, à ce moment-là, ça génère un tsunami. L'autre type de failles, qui sont les failles dites transformantes, elles coulissent l'une sur l'autre. Et donc, vous n'avez pas de déplacement vertical, mais des déplacements horizontaux. Et ça provoque aussi des tsunamis? Et non, c'est ça le mystère. C'est-à-dire que à Palu, nous avons eu une faille décrochante, coulissante. Et on voit bien, dans la ville de Palu, vous avez des déplacements de 6 mètres. Les rues sont déplacées horizontalement de 6 mètres. Mais ça a quand même provoqué un tsunami, alors que provoqué, normalement, ça n'en provoque pas. Non, ça n'en provoque pas. Du coup, il a fallu essayer de savoir d'où venait l'amorce, d'où venait la cause de ce tsunami. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un navire avec un sonar, et on a essayé de cartographier les fonds marins, ce qu'on appelle la bathymétrie, pour essayer de voir si les grands versants sous-marins de la longue baie de Palu, qui fait 40 km de long, 10 km de large à peu près, sur 500 mètres de profondeur, si ces talus n'avaient pas été déstabilisés par le séisme, avaient généré un glissement sous-marin qu'on appelle donc un slumping en langue anglaise, et sur l'autre versant, du coup, avait généré un tsunami. Et les résultats, là, sont déjà publiés, ou on peut les donner ou pas, les résultats de cette étude-là? Alors oui, on voit dans les profils bathymétriques, dans la topographie des fonds marins que nous avons obtenus, on voit des zones de décrochement qui ne sont pas des pentes régulières. Donc on soupçonne ici qu'il y a eu un glissement sous-marin. Vous allez répondre aux questions des auditeurs sur ces sujets, et puis nous allons aussi nous intéresser dans la suite de cette émission à des tsunamis plus anciens survenus en Europe, en Méditerranée et même sur le lac Léman. C'était Kepler, Kepler de Biche sur France Inter. Quand ils furent revenus un peu à eux, ils marchèrent vers Lisbonne. Il leur restait quelque argent, avec lequel ils espéraient se sauver de la faim, après avoir échappé à la tempête. À peine ont-ils mis le pied dans la ville en pleurant la mort de leur bienfaiteur, qu'ils sentent la terre trembler sous leurs pas. La mer s'élève en bouillonnant dans le port et brise les vaisseaux qui sont à l'ancre. Des tourbillons de flammes et de cendres couvrent les rues et les places publiques. Les maisons s'écroulent, les toits sont renversés sur les fondements et les fondements se dispersent. 30 000 habitants de tout âge et de tout sexe sont écrasés sous des ruines. Extrait de Candide ou l'optimisme de Voltaire qui raconte ici une catastrophe qui a réellement eu lieu à Lisbonne en 1755. Qu'est-ce que l'on sait de ce qui s'est passé à Lisbonne, Franck Lavigne? C'était un séisme et un tsunami assez classique finalement, mais donc avec des hauteurs de vagues quand même impressionnantes. Hein. On était à 10-15 mètres en fonction des endroits, je ne sais même pas si ça n'a pas dépassé. On dit toujours le tsunami de Lisbonne, il faut savoir que les côtes marocaines ont été ravagées aussi, on a des dépôts de tsunami à Tanger, en Espagne aussi, enfin ça a bien tout arrosé. Là, ce qui est très intéressant ici, c'est que c'est vraiment la première fois où on a commencé à s'intéresser au tsunami de manière scientifique. Les philosophes, c'était le siècle des Lumières, ont commencé à réfléchir et en disant finalement c'est peut-être pas Dieu qui est à l'origine de ça, mais peut-être la nature. Mmh. Et là, ça a été le grand départ de l'approche scientifique des séismes aussi et des tsunamis. Ouais. D'autres tsunamis sont venus comme ça bousculer les côtes de la métropole en France en 1950. Alors, c'était une vague relativement modeste, mais quand même, elle a inondé la ville de Calais. Donc, il y a eu des tsunamis dans l'histoire de la ville de Calais. Oui, tout à fait. En fait, c'était pas un événement très très important, mais quand on parle de tsunami, il faut bien garder à l'esprit que c'est pas le Japon ou l'Indonésie. Hein. Un tsunami, il peut faire un mètre ou deux et peut être très dangereux aussi, même s'il fait qu'un mètre ou deux, parce que la vitesse est très très très puissante. Celui de Calais, c'est 1550. Je l'ai rajeuni. Mais il y en a un plus récent, hein, je crois, qui est survenu à Calais. Vous avez travaillé sur Calais. En fait, on a essayé de rechercher les dépôts d'un gros qu'il y a eu en 1580. Ouais. Il y a eu un séisme qui a eu lieu. L'épicentre, c'était dans le Pas-de-Calais, dans le Détroit, au milieu, entre la France et l'Angleterre, pas de jaloux. Un gros séisme. Hein. Les estimations, c'est entre 5,3 et 5,7 en magnitude, ce qui est pas mal. Pour vous donner une idée, le séisme a fait sonner les cloches à Londres et à Rouen, quand même. Mmh. Et naturellement, hein, rien que par le tremblement du sol. Et donc, la ville de Calais, mais aussi à Boulogne, on a des descriptions dans les textes historiques, dans les archives, d'inondations. On n'appelle pas ça tsunami, évidemment, mais en fait, c'est un tsunami. Ouais. Hein. C'est parce qu'en fait, le tsunami, à partir du moment où une vague déferle, même si elle fait un mètre, c'est un tsunami. Oui, il n'y a pas besoin de faire 30 mètres. C'est pour ça aussi qu'il faut faire attention quand on parle de... On dit qu'il peut y avoir des tsunamis en Méditerranée, bien entendu, il y en a eu et il y en aura encore, même sur la Côte d'Azur, c'est connu, c'est un fait, mais il ne faut pas effrayer les foules. Le tsunami, d'après les modélisations, sur la Côte d'Azur, ça ferait, allez, on va dire 2-3 mètres au maximum, donc en gros, c'est la plage qui risque d'être inondée. Mais rien que ça, ça peut faire du mal. Jean-Philippe Goiran, il y a eu beaucoup de séismes qui sont comme ça survenus sur les côtes méditerranéennes? Alors oui, la Méditerranée, il y a beaucoup de séismes, moins de tsunamis, mais quand même. Mais notamment on retrouve des traces de tsunamis dans les textes antiques. Mmh. Et là, on a eu par exemple, on a recherché le tsunami décrit par un auteur d'origine grecque, un auteur de l'époque romaine, un historien romain. Qui vivait en 350 après Jésus-Christ. Et il écrit dans un de ses ouvrages, il a écrit une trentaine d'ouvrages, il n'y en a que 15 qui nous sont parvenus. Et il écrit que le 21 juillet 365, eh bien, la mer s'est retirée au large devant le port d'Alexandrie. Les badauds sont descendus dans le port. Et tout à coup, la vague est revenue et a tué tous ces gens, allant jusqu'à projeter des navires sur les maisons qui faisait le pourtour du port d'Alexandrie. Oui, donc là, on est dans un tsunami. On n'est plus dans les petits tsunamis dont vous nous parliez, Franck Lavigne, de quelques mètres. Là, c'est une vraie catastrophe qui s'est produite. Alors, en 365 de notre ère, du côté d'Alexandrie. Oui. Alors, un de nos objectifs, c'est d'essayer de croiser les archives historiques, les textes, et les archives sédimentaires. En gros, la géologie, la stratigraphie. Mmh. Alors, de temps en temps, ça marche. On a des tsunamis dans les ouvrages qu'on retrouve sur le terrain. Et parfois, ce tsunami de 365, il n'a jamais été retrouvé. Mmh. On a fait une série d'une quinzaine de carottages à Alexandrie avec nos collègues égyptiens. Et nous n'avons jamais retrouvé la trace, ce qu'on appelle la tsunamite, le dépôt de tsunami, dans le port d'Alexandrie. Alors comment ça s'explique? Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce tsunami soit en fait une métaphore, qu'il y ait eu un problème politique dans cette ville ou une tempête et qu'on ait décrit quelque chose qui ne se soit pas réellement produit concrètement? Alors il y a 3-4 grandes hypothèses pour expliquer l'absence de ce dépôt. Effectivement, une des premières hypothèses, elle a été évoquée par les historiens, c'est l'hypothèse philologique, la façon dont on lit, dont on étudie, dont on interprète les textes. Amiens Marcellin, cet auteur, il y avait des faits, mais il y avait aussi un peu des exagérations, et surtout, il utilisait beaucoup la métaphore. Donc, on est au IVe siècle, au moment où l'Empire romain est envahi de toutes parts par les barbares. Et pour certains historiens, ils voyaient la métaphore avec ce tsunami de les envahisseurs face à la ville romaine. Mais je sens que l'explication de la métaphore ne vous satisfait pas. Il y a peut-être une autre explication pour laquelle on n'a pas retrouvé ces sédiments de tsunami. Alors il y a l'hypothèse géomorphologique, c'est-à-dire que le tsunami, en fonction de la façon dont il se dirige vers la côte, il y a des endroits où il va déposer des sédiments, il y a d'autres endroits où il va éroder. Donc parfois, on ne va pas trouver les traces de tsunami parce qu'il y a eu une érosion ou un non-dépôt. Après, il y a une troisième hypothèse qui est l'hypothèse anthropique. On est dans une cité antique, il y a des ports, et elle est touchée par un tsunami. Il faut imaginer que les ingénieurs de l'époque, les ingénieurs romains, vont rapidement remettre en fonction les bassins, pôle économique de la ville. Et en faisant ça, ben, ils vont curer, ils vont faire des opérations de dragage, de curage des bassins. Pour nous, qui travaillons dans la stratigraphie littorale, un curage, c'est comme une bibliothèque qui brûle, les archives sédimentaires disparaissent. Oui. Et donc peut-être que c'est ça, c'est cette hypothèse anthropique. Le dépôt de tsunami a été gommé par les ingénieurs romains. Ouais. Alors un tsunami dont on est sûr qu'il a eu lieu, même s'il est assez ancien aussi, il a eu lieu en 563 sur le lac Léman. Alors avant que vous nous expliquiez ce qui s'est passé exactement, voici le récit par le moine Marius d'Avenches de la catastrophe. Sous le consulat de Basile, la grande montagne de Torredonum, dans le territoire du Valais, tomba si subitement qu'elle couvrit un château dont elle est des voisines et des villages avec tous leurs habitants. Elle agita tellement le lac que, sorti de ses deux rives, il détruisit de très anciens villages avec hommes et troupeaux. Il engloutit plusieurs lieux saints avec ceux qui les desservaient. Il entraîna avec furie le pont de Genève, les moulins et les hommes. Et, étant entré dans la cité de Genève, il y fit périr plusieurs personnes. Un raz-de-marée de 13 mètres de haut sur le lac Léman en 563. Est-ce qu'on connaît les causes de cet événement qui paraît complètement improbable, Franck Lavigne? Oui, en fait, c'est pas improbable. C'est assez classique, j'allais dire, mais pas à cet endroit. Donc là, c'est un pan de montagne qui s'est effondré et qui est tombé dans le lac. Donc évidemment, c'est comme dès qu'il y a une déformation du plancher lacustre ou océanique, ça provoque un tsunami. Donc celui-là, il était assez important. Ça allait jusqu'à, vous avez dit tout à l'heure, 13 mètres à Lausanne. C'était encore 8 mètres par là à Genève. Donc c'est un gros tsunami. Mais des cas comme ça, on en a beaucoup en Norvège, par exemple, le long des fjords. Les fjords ont des pentes très très raides et donc régulièrement on a des glissements de terrain comme ça qui tombent dans le fjord et qui vont engendrer des tsunamis. Et on imagine qu'il y a encore moins de temps pour réagir parce que là c'est pas en dizaines de minutes mais c'est peut-être en minutes ou en secondes que la vague se propage sur ce lac. Oui, tout à fait. Plus c'est petit en fait, les plus gros tsunamis ont lieu dans des baies. Alors un typiquement comme celui-ci, mais encore plus énorme, a lieu en Alaska et il y a fait 500 mètres. La vague a fait 500 mètres de haut. C'était en 1950, 64, je ne sais plus, dans les années 60. Et 500 mètres, 530 je crois exactement, mètres de haut. Il y a un bateau qui s'est retrouvé de l'autre côté dans la forêt, perché à plusieurs centaines de mètres de haut. On poursuit nos découvertes sur les tsunamis. Nous allons parler du méga tsunami survenu il y a 65 millions d'années. Et puis vous répondrez aux questions des auditeurs qui sont arrivés pour vous. Didn't I do it for you? Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you. They wanna see us alone. They wanna see us apart. They wanna see us alone. They wanna see us apart. And I just want to feel your love. And I don't want to have to share our love. I try, but I get overwhelmed. C'était Cellophane, FK Twix sur France Inter, le temps d'un bivouac. L'astéroïde de 10 km de large percute la Terre sur la côte nord de la péninsule du Yucatan à la vitesse de 20 km par seconde. Il forme un cratère de près de 140 km de large et de 30 km de profondeur. La puissance de l'impact équivaut à l'explosion d'un million de bombes atomiques. L'impact provoque des raz-de-marée gigantesques avec des vagues de plusieurs centaines de mètres de haut, tandis que des débris incandescents déclenchent des incendies à travers l'hémisphère nord. Voilà une façon un peu hollywoodienne de nous décrire cette chute de la météorite qui a vu s'éteindre la plupart des dinosaures, qui a fait s'éteindre la plupart des dinosaures. Alors, nos deux spécialistes des tsunamis, Franck Lavigne et Jean-Philippe Guaran, cette hypothèse d'un méga tsunami qu'aurait déclenché cet astéroïde, ça vous paraît sérieux ou pas ? Jean-Philippe Guaran. Alors, Bon, là, il y a effectivement, la dernière publication indique 1500 mètres, c'est-à-dire 1,5 km. Là, on peut plus parler en langue française, disons, d'une sorte de gerbe d'eau immense. Mais le tsunami lui-même, il faudrait plutôt envisager qu'il ait entre 90 et 120 mètres de haut. Ah oui. Donc voilà. Finalement, un tsunami relativement modeste, enfin 120 mètres de haut, ça oui. reste quand même assez spectaculaire. Ça reste quand même spectaculaire. Oui. De toute façon, il faut encore laisser un peu de temps au temps. Oui. Il y aura de nouvelles publications. Les gens ne sont pas tous d'accord. Ils ne sont pas tous d'accord parce que pour régler la question, il faut mesurer la hauteur de ces dépôts de tsunami fossiles mm-hmm. par rapport aux zéros marins. Mm-hmm. Mais il y a deux problèmes. C'est, il faut mesurer par rapport aux zéros marins de l'époque, il y a 66 millions d'années, c'est pas facile de le connaître, et il faut aussi prendre en compte que les continents, les montagnes ont bougé. Donc la hauteur de ce dépôt de tsunami a varié depuis 66 millions d'années, d'où les débats. Vous êtes de quel côté dans le débat, vous, Franck Lavigne? Moi, je participe pas au débat, mais par contre, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un phénomène comme ça se passe. En ce moment, il y a des travaux très intéressants qui se font sur Mars par nos collègues d'Orsay, l'équipe de François Cottard à Orsay. Vous voulez dire qu'il y a eu des tsunamis sur Mars? Il y a eu des tsunamis sur Mars, donc des océans articles sur récents Mars. Qui sont sortis et qui sont très semblables à ça. Hein. Bon, alors ça s'est produit entre 3 et 3,5 milliards d'années, donc ça date pas d'hier. Mais en termes de profondeur, de hauteur, le tsunami là, il aurait fait 300 mètres de haut. Le diamètre du cratère de la météorite, c'est 20 km de profondeur, 130 km de diamètre et 20 km de profondeur. Mmh. Donc c'est un monstre. Hein. Ouais. Et il y en aura eu deux d'ailleurs qui ont fait ça. Mmh. Et sur Mars, le gros avantage, c'est qu'il y a moins ces phénomènes d'érosion, la planète étant gelée. Là, le gros débat sur Mars, c'est de savoir s'il y avait un océan ou pas. Bon, maintenant, on sait qu'il y a une période, il y a eu un océan. Mmh. Donc le premier gros tsunami, pour qu'il y ait un tsunami, il faut quand même de l'eau liquide. Donc aurait eu lieu dans un océan froid, mais de l'eau liquide. Et le deuxième, sur un océan gelé, avec donc de la boue, etc., de la glace qui se serait déposée. Ouais. Donc au passage, on apprend que la planète rouge a été bleue il y a des milliards et des milliards d'années, 3 milliards 5 d'années pour être plus exactement. Quelques questions d'auditeurs. Louis vous dit, les animaux arrivent-ils vraiment à anticiper les tsunamis? Alors ça, c'est très intéressant. Ça n'a jamais été étudié scientifiquement parce que il faut être là quand ça se passe. Par contre, on l'a beaucoup observé en 2004, notamment en Thaïlande. Ça a été pas mal médiatisé. Des éléphants qui étaient attachés et qui ont cassé leur chaîne, qui ont fui à l'intérieur des terres parce qu'ils ont senti le tsunami arriver. Donc ça, c'est pas un mythe. Le problème, c'est que au même moment, au Sri Lanka, il y avait aussi une étude scientifique de biologistes sur des éléphants qui suivaient les éléphants avec un GPS, et les éléphants du Sri Lanka n'ont pas bougé. D'accord. Donc voilà, ça marche, mais ça marche pas à tous les coups, pour être simple. Jean-Philippe Guaran, Aurélien vous demande, est-ce que le mythe de l'Atlantide pourrait être aussi lié à un tsunami? Oui, alors il faut coupler toujours l'explosion du volcan et le tsunami. Je pense que là, on fait allusion à Santorin, à l'explosion de ce volcan, et qui a lieu vers 1600 avant le Christ, et qui va générer donc la disparition d'une ville et des villes avoisinantes, et l'impact d'un tsunami assez, assez important dans toute cette Méditerranée orientale. Alors après, ce qui est intéressant quand on regarde un peu ce tsunami, un peu de 1600, qui est assez important, curieusement, sur certaines côtes, on ne le retrouve pas. Quand on analyse, par exemple, le littoral du Levant, on n'a pas le dépôt de tsunami de 1600. En revanche, on en a un autre, c'est le tsunami de 1200, qui, pour l'instant, pas encore vraiment référencé. Mmh. Finalement, on a beaucoup de mal, à part grâce aux traces écrites qui décrivent clairement des phénomènes, à vraiment identifier dans les couches géologiques la trace de ces tsunamis. Oui. Et c'est ce que disait Franck tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on a le dépôt de tsunami. C'est la conservation du dépôt de tsunami. Ce dépôt de tsunami, il va être mis en place en domaine émergé. Et une fois qu'il est mis en place, eh bien, les agents météo-marins, les pluies, les cours d'eau, et puis l'homme, va réussir progressivement à effacer ce dépôt. Et puis surtout, il faut chercher loin, il faut s'écarter des côtes, parce que quand on est trop proche de la côte, quand le tsunami avance, il est retour, il ne dépose pas. Il faut une perte d'énergie, donc parfois il faut chercher à 1 km, 2 km à l'intérieur des côtes. Merci Franck Lavigne et Jean-Philippe Goiran. Je vous présente notre invité de la deuxième heure, Charles-Hervé Gruyer. Il vient de s'asseoir à côté de vous. Bonjour. Bonjour. Avec votre épouse Perrine, vous avez transformé la ferme du Bec-et-Loin en Normandie en une ferme biologique où on pratique la permaculture. Mais avant de devenir maraîcher, vous avez été marin. Pendant plus de 20 ans, vous avez sillonné les océans de la planète et vous avez accosté sur tous les continents, accompagné de jeunes et de scientifiques. Vous avez découvert des lieux où la biodiversité foisonne et vous êtes allé à la rencontre de peuples que l'on dit premiers. Et la ferme du Bec-et-Loin plonge ses racines dans ces aventures que vous allez nous raconter dans la suite de cette émission. Je vous remercie beaucoup Franck Lavigne et Jean-Philippe Goiran de nous avoir passionnés avec les tsunamis. Et Charles-Hervé Gruyère, à tout de suite après le flash.